nuages se seul dans la nuit. J'étais si seul dans la nuit. Avec personne autour de moi. Non, personne. Et c'est là que je l'ai vu. Il portait une casquette de cuir noir sur la tête. Il m'a sifflé. Je me suis approché. C'était un policier. Mais lorsqu'il sortit son bâton, je me suis enfui en courant. En courant. Et j'étais seul dans la noix. Dans la rue noire, avec personne autour de moi. Non, personne. Et c'est là que je l'ai vue. Elle portait une mini-jupe de cuir noir et des collants roses. Je me suis approché et elle m'a dit: tu viens serrer. Et comme j'avais oublié mon portefeuille à la maison, je me suis enfui en courant. En courant. Pour des